Ce podcast bénéficie du soutien de Non-Violence 21, Sortir de la violence et du Sénac. Il vit aussi grâce à vos dons, qui m'aident énormément. Merci et ne lâchons rien. Il vit enfin au travers d'ateliers et de conférences interactives dans lesquelles je présente mon approche globale, poétique et radicale de la non-violence. Contactez-moi si vous êtes intéressé sur le site force-nonviolence.fr. J'ai la joie aussi de vous annoncer la création d'un parcours en ligne pour approfondir la non-violence, INOVA. Cette formation proposée par l'association Management Humain Durable est l'occasion de s'approprier un outil précieux évoqué plusieurs fois dans ce podcast, la roue du changement de regard. Les liens pour me soutenir et pour découvrir cette initiative sont dans le descriptif de l'épisode. Belle écoute! C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. I have a dream. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On ne peut pas être dans la violence et l'humanisme à la fois. Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence ». Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre. Être en colère, c'est la bonne santé, vous savez. Désobéissance civile de masse. Dans le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie est le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence. Le droit à la non-violence éducative. I still have a dream. Aïssa. Le temps n'est plus de vaincre, mais de soigner ce qui en nous et autour de nous a été vaincu. Ces mots qui plaident pour une culture du soin et de la régénération sont ceux de Martine de Nardi. Ceinture noire d'aïkido, infirmière et kinésithérapeute, son parcours est marqué par la rencontre décisive avec Danny Bois, chercheur et fondateur de la fasciathérapie et de la somatopsychopédagogie. S'ouvre alors pour elle un chemin d'exploration profonde du corps sensible, là où le mouvement devient une voie de conscience. Martine de Nardi crée l'art martial sensoriel, une discipline unique où l'écoute du corps offre une possibilité de guérison et de réconciliation avec soi et le monde. Dans une société dominée par la performance et la vitesse, elle nous invite à déployer une force tranquille et à habiter son corps autrement, en lien et en paix avec tout le vivant. Martine de Nardi, qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence ? La non-violence, ça m'évoque déjà la notion de paix. Comment ne pas nourrir une forme d'agressivité, de violence, pour nourrir une autre partie de soi qui est plus pacifiante, pacifiée, pacifique. Je pars du principe que la paix, c'est un processus de transformation intérieure qui après peut se prolonger vers une action extérieure. Donc moi, je me situe plutôt dans cette attention à équilibrer la relation à soi, à la pacifier, pour pouvoir être actif autour de soi, avec ses proches, dans la vie sociale et dans le monde, mais à partir de soi, le monde étant constitué d'individus. Voilà, c'est plus ça ma démarche, ma recherche, qui n'est pas du tout terminée, qui est vivante, donc elle évolue de jour en jour. Alors vous dites travailler sur l'agir plutôt que réagir ou subir. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce que vous entendez par ces termes ? Quand j'ai commencé les arts martiaux, par exemple, j'avais 15 ans. J'ai commencé par le judo, puis très vite l'aïkido, qui me convenait beaucoup mieux, quelque chose de très spiralé. Par son fondateur, c'est un art de la paix. Et c'est ça qui, moi, m'intéressait, même si à l'âge de 15 ans, j'ai pratiqué un art martial très, entre guillemets, viril. J'étais la seule femme dans les pratiques pendant plusieurs années. Dans mon adolescence, j'ai aimé ça jusqu'à 17-18 ans. Après, j'avais vraiment envie de passer à autre chose et surtout, je rencontrais autre chose. C'est-à-dire ? Par exemple, dans ma pratique des arts martiaux, les randori, c'est entre guillemets des combats à plusieurs où ça va vite. J'avais très peur. Parce que c'est impressionnant quand même d'être toute seule avec plein de gens autour, avec ou sans armes. Et une fois la peur vécue, je plongeais dans ma profondeur et là, je rencontrais complètement d'autres choses. Tout allait très vite, moi je ressentais de la lenteur. Tout était très puissant, moi je ressentais de la douceur. J'avais l'impression de rien faire, tout le monde était par terre. J'étais très surprise de ces moments-là. C'était comme des moments de grâce pour moi. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et j'étais dans un espace beaucoup plus grand autour de moi. Et voilà, j'ai commencé à découvrir ces paradoxes qui, des années plus tard, j'ai bien compris, avec tout mon travail sur la pleine présence que je pratique depuis 38 ans avec mon professeur, Monsieur Danny Bois, que dans le vivant, par exemple, il y a toujours une potentialisation des contraires. La puissance, la douceur, la nuit, le jour, le pôle féminin, les pôles masculins, en soi. Voilà comment on équilibre ces pôles différents à l'intérieur de soi pour pouvoir les apprivoiser quelque part, les connaître, s'accorder comme on accorde un instrument de musique pour que la mélodie soit harmonieuse dans la relation à soi déjà, et comment le prolonger après dans la relation à l'autre. Et dans agir, il y a la notion d'action volontaire qui nous permet de faire des choix, de s'engager dans une responsabilité, d'avoir un libre arbitre. Et puis, il y a la notion de non-agir, avec plus de lâcher prise. Et trois, une fois que ça s'équilibre, l'agir de la volonté et le non-agir du lâcher prise, ça permet de laisser agir une force de vie plus grande que nous. C'est un peu ce que vous venez de raconter avec votre exemple. Oui, voilà, j'accédais dans les randories depuis que j'ai l'âge de 15 ans à ces moments où la peur, quelque part, était quelque chose qui me boostait. C'est comme un stress positif pour être puissamment présente dans mon action, sans savoir du tout ce qui va se passer. C'est hors contrôle, ça demande un grand lâcher prise. Et du coup, j'avais accès à des niveaux de profondeur nouveaux et à un espace autour de moi très, très différent, un peu comme ce que raconte Maître Ushiba, le fondateur de l'aïkido. Lui, il va carrément à nommer qu'il travaille avec les forces de l'univers, des vagues de l'univers. Voilà. Quelque part, ce que vous dites, c'est que la non-violence, c'est une forme d'équilibre qui permet d'accéder à une profondeur. Oui. Comment vous pourriez relier non-violence et profondeur par rapport à votre travail corporel ? Mais quand on est dans la profondeur, dite sensible, c'est tout le travail que j'ai déployé avec M. Danny Bois. On travaille beaucoup sur, à partir d'un lieu de profondeur où les problématiques n'ont pas d'empreinte. Un lieu vivant en nous, c'est comme ça qu'on soigne. Hein. En fasciathérapie, par exemple, on écoute le tissu, par exemple la peau. On repère les endroits dans le corps d'une personne qui sont plus mobiles, des tensions, des douleurs, des zones qui sont arrêtées, et on les remet en mouvement. Facile à dire, c'est tout un art. Après, d'aller dans la libération très précise, sans brusquer le corps, en étant à l'écoute. Voilà. Et donc, cette fasciathérapie, méthode Danny Bois, elle apprend ça. Pour libérer un corps, on n'impose pas, par exemple, une force extérieure. On crée des conditions favorables pour libérer une force intérieure, qu'il a appelé le mouvement interne. Très souvent, quand il y a une problématique, un état de choc, des tensions, du stress, une pathologie, on crée les conditions favorables pour libérer les zones qui ne sont plus mobiles, pour laisser revivre cette mouvance interne, et on commence par libérer les fascias. Mmh. Et les fascias, il y en a partout dans le corps. Moi, à la base, quand j'ai entendu fasciathérapie, je pensais que c'était quelque chose lié au visage. Non, ce sont les enveloppes du corps, de la plus superficielle à la plus profonde, qui enveloppent, donc le plus superficiel, c'est la peau, C'est des tissus élastiques qui vont relier des différentes parties les unes avec les autres, de haut en bas, droite à gauche, avant en arrière, mais aussi dans la profondeur, un peu comme une toile d'araignée tridimensionnelle. Et il y a des plans de glissement entre certains fascias avec un gel, une forme de gel à l'intérieur. Et selon les besoins de glissement dans un mouvement, il va y avoir une production de ce gel. Le problème, c'est quand ça se colle. Voilà, quand c'est collé, ben ça crée des restrictions et des tensions et des douleurs et ça a une action bien sûr physique, mais aussi psychique et émotionnelle parce qu'on vit cela avec notre corps. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être un exemple d'un patient ou d'une patiente avec lequel ou laquelle ça a été assez incroyable l'effet de la fasciathérapie ? Et oui, là, l'exemple qui me revient, c'est un monsieur très corpulent, routier. Et donc, il avait le dos très douloureux et il venait me voir pour être soulagé. Donc, je cherchais une voie de passage pour libérer. Donc, et à un moment donné, c'est ce qu'on nous enseigne aussi quand quelqu'un est vraiment très densifié. Puis quand on travaille assis tout le temps avec les vibrations, voilà, y a beaucoup de micro-chocs. Et je suis passée par la libération de son cœur. C'était un homme de cœur, j'avais senti ça. Et là, j'ai libéré déjà son sternum, son thorax, ses côtes, ses fascias à l'intérieur. On appelle ça le fascia axial profond, qui va partir de la base du crâne et envelopper tous les viscères internes, notre cœur, nos poumons, nos viscères digestifs, jusqu'à notre petit bassin. Et donc, en libérant tous ces fascias à partir de son cœur, il était très touché parce qu'il ne sentait rien. Il s'était endurci, quoi. Mmh. Il a eu chaud d'un seul coup et il me décrivait tout ce qu'il sentait. C'était assez spectaculaire en quelques instants, quoi. Mmh. À l'époque, je faisais des séances d'une heure. Voilà, au bout, je ne sais pas, peut-être d'un quart d'heure. Ça s'est libéré petit à petit à partir d'une force en lui. Son cœur. Souvent, on fait ça, on trouve le lieu de force, l'atout de la personne, parce que du coup, ça va être nourrissant d'emblée pour cette personne. Puis par exemple, son cœur, là, libère toute la vascularisation nourricière à partir des gros troncs artériels. Et petit à petit, comme ça, ben, j'ai pu libérer ses douleurs. Je l'ai vu bien sûr plusieurs fois et il sortait avec le sourire, quoi, complètement réimbibé de lui. Qui est Dany Bois et qu'est-ce qui vous a amené dans votre vie? Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience, quelque chose qui vous a amené à le rencontrer ou c'est un hasard? Je suis infirmière à la base, puis j'ai repris mes études, j'ai fait kinésithérapeute et j'ai travaillé en gériatrie pendant quelques années en tant que kinésithérapeute. C'est des personnes âgées, hommes ou femmes, qui ont plein de douleurs partout. Et j'avais fait plein de techniques très novatrices. Il y avait des problèmes neurologiques aussi. J'ai fait du Bobat, du Kabat, enfin des techniques modernes à l'époque. À partir d'étirements, etc. C'est des choses qui les soulageaient. J'étais prof de yoga à l'époque. Et j'ai rencontré une amie dont le mari était magnétiseur. Et ça m'intriguait. Et donc, je suis allée en vacances en Bretagne, je l'ai rencontrée et j'ai assisté à quelques séances dans son cabinet par curiosité. Je suis quelqu'un de très curieux. Et puis, il me disait, écoute, je me disais, mais comment tu fais? Parce que ça fonctionnait. Et il me disait, tu poses tes mains, tu as envie de libérer, de faire du bien. Je fais, c'est tout? Et il me dit, oui, moi, je fais, c'est tout. Alors, moi, je me suis entraînée et je faisais beaucoup ça aux personnes et tout le monde voulait ça. Mais j'avais un peu l'impression de jouer à la protie sorcier, quoi, en faisant des choses comme ça. Et j'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait. Ça les soulageait, point. Ça, c'est tout ce que je savais. Et donc, j'ai décidé d'investir plus loin. Je voulais faire de l'ostéopathie, apprendre l'anatomie de manière très précise. J'en ai parlé beaucoup autour de moi et tout le monde m'a renvoyé. Tu devrais faire de la fasciathérapie avec Monsieur Dany Bois. Je me suis inscrite et puis j'ai adoré. Tout de suite adoré parce que je faisais du shiatsu aussi à l'époque. Une fois dans une file, dans un stage de shiatsu, il y a une femme devant moi au self qui a eu une migraine pas possible et qui a failli, qui est tombée quoi. Et donc moi, instinctivement, je commence à la traiter. Et en fin de compte, je ne lui ai pas fait du shiatsu. Je lui ai fait autre chose, mais je ne savais pas quoi. Et en fin de compte, je lui faisais de la fasciathérapie. C'est comme si j'avais ça dans moi. Et j'ai reconnu ce qu'il nous enseignait, lui. Dès le premier jour du premier stage. Et ces moments de grâce que je vivais dans ma pratique de l'aïkido, mais dans tous les domaines de ma vie, quand je faisais des massages aussi, quand je faisais du jogging, je rencontrais ces choses-là. Mais je ne savais pas les retrouver par moi-même. Donc j'ai beaucoup cherché quelqu'un qui m'enseigne ça. Parce que j'étais toute seule avec moi-même et avec des moments oui, des moments non. Et c'est en rencontrant M. Danny Bois que j'ai rencontré, en fin de compte, des réponses à toutes mes questions. Et dès la deuxième année, il a abordé la thérapie gestuelle. Et là, j'ai fait des ponts. Et au bout de 4 ans, c'est là où j'ai mis au point l'art martial sensoriel, qui s'est d'abord appelé guerrier de vie, puis art martial thérapeutique, parce que c'est extrêmement thérapeutique, puis art martial sensoriel, parce que dans mes étudiants, il n'y avait pas que des thérapeutes et... En France, le mot thérapie, thérapeute, est réservé au milieu médical et paramédical. Alors, comment vous définiriez l'art martial sensoriel ? Aujourd'hui, je définis l'art martial sensoriel comme vraiment une éducation relationnelle à la paix, à la résilience et au vivant, en soi et autour de soi. Quand j'ai commencé, au début, je travaillais vraiment sur le rapport à l'action, il y a 33 ans. Comment apprendre à bouger sans se faire mal? Parce que moi, en pratiquant les arts martiaux intensément, je me suis fait mal aussi. Je me suis fait mal au dos, j'ai eu la chance de rien me casser. J'ai eu des mauvaises chutes avec le souffle coupé, enfin bon, des densités dans ma colonne, dans mes muscles, enfin voilà. Donc pour moi, apprendre l'art de bouger sans se faire mal, ça a été le premier niveau. Et d'ailleurs, à cette époque, quand ça a commencé, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de praticiens d'art martial, judo, aïkido, karaté, kinomichi, tai chi, qui venaient dans mes cours parce qu'ils s'étaient blessés et qu'ils ne pouvaient plus pratiquer leur art martial traditionnel. Voilà, donc j'ai déployé d'abord l'art de bouger sans se faire mal. Comment, en partant de la lenteur, on accède à la profondeur de son corps, de sa personne, et comment après on peut glisser en évolutivité dans des variations de rythme sans perdre la lenteur, sans perdre sa profondeur et donc ses ressources sensibles là où il n'y a pas de problématique. Donc il y a vraiment des ressources novatrices et c'est très thérapeutique ça et très nourrissant dans notre vie, même si on n'est pas malade ou tendu. Et comment après on peut aller dans une grande vitesse, une grande puissance, sans perdre la douceur, sans perdre la lenteur. Et là, on va dans quelque chose de plus martial. Déjà, c'est un vrai plaisir, pouvoir rencontrer aussi ses compétences, ses limites. Et on va se servir de ça après pour gérer le stress. Par exemple, on peut passer par l'extrême lenteur ou l'extrême vitesse. Avec des débridages rythmiques, on répète un mouvement très rapidement, tout petit, pour que ça lâche au niveau des tensions ou de la volonté trop forte. Voilà, par exemple. Alors, vous dites que vous travaillez aussi sur les systémies. Depuis 33 ans, je fais des stages d'été. Et au début, il y avait les stages d'été pour les adultes. Et puis, il y avait des stages à côté pour les enfants, que je gérais, avec une équipe. Et un jour, il y avait une équipe d'enfants qui nous regardaient par la fenêtre. C'était drôle. Et le plus jeune de la bande, téméraire, il est venu me voir à un moment donné lors d'une pause. Et il m'a dit « Mais pourquoi nous, on ne pratique pas avec vous ?» Voilà, c'est venu d'une demande, mais profonde. Il m'a touchée, cet enfant. Et je l'ai regardé, j'ai fait « Ben écoute... La première chose qui m'est venue, parce que les enfants, la lenteur, c'est pas trop leur trip, hein, tout de suite. Je lui ai dit, tu sais, nous, il y a des moments où on apprend le mouvement lentement d'abord. Ça va pas être facile pour toi, tu es une vraie pile électrique. Il avait 7 ans, hein. Il me dit, c'est pas grave, je voudrais essayer. C'était le fils d'une de mes étudiantes que je formais en formation pro, qui venait du Québec. Et du coup, je lui ai dit, écoute, je vais réfléchir, laisser réfléchir, et puis je te dis. Et puis, je répondais sûrement pas assez vite pour lui. Il est revenu vraiment très persévérant. Et là, ça m'a tellement touchée dans mon cœur, je me dis, écoute, on va essayer. Puisque ça répond à une demande, on va essayer un petit moment, voir ce que ça donne. Voilà, et ça a super bien fonctionné. Il a emmené toute sa bande, il les a motivés. C'était le plus jeune, hein, le plus petit, le plus jeune. Le plus petit en taille aussi. Et ça a fonctionné incroyable. Et du coup, j'ai mixé tous les âges, de 7 à plus de 87 ans. Et c'est d'une richesse incroyable. Et du coup, ça a attiré des familles entières. Des petits-enfants, des parents et des grands-parents. Wow. Je me rappelle, par exemple, c'était un stage où il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait 90 personnes, ce stage-là. Avec une équipe, hein, je n'étais pas toute seule. C'était sur vivre l'amour autrement. Ça a attiré beaucoup de monde. Et il y avait une famille entière. Les grands-parents étaient en difficulté. Le grand-père était médecin à la retraite. Il avait eu un problème de cancer et plein de traitements très lourds. La vitalité dans les chaussettes, comme ça arrive souvent. Sa femme, qui s'était beaucoup occupée de lui, était épuisée aussi. Et elle avait perdu le goût de la relation avec son homme. Et elle en était très triste parce qu'ils étaient très amoureux, encore. Et ils en ont parlé avec les enfants. Et toute la famille, quelque part, s'est unie pour venir et pour accompagner les grands-parents. C'est hyper touchant, hein. Moi, ça me meut toujours quand j'en parle. Et à la fin du stage, c'est plus vraiment vers quatrième jour, par là, on fait une technique sur les tatamis, on travaille sur tatamis, on travaille au sol, à genoux, on trouve des coussins s'il y a des problèmes de genoux, etc. Et puis à un moment donné, on fait des roulades, et on fait des roulades à deux, on appelle ça la technique du bébé singe. Et là, mais j'ai dû les accompagner moi-même, le couple de grands-parents. Ils ont retrouvé leur fougue, en fin de compte. Et après, la préparation est lente avant d'accélérer, mais il fallait que je les cadre tellement ils partaient dans des vitesses. Ils roulaient sur le tatami. Ça libère des élans de vie, en fin de compte. Les roulades, les chutes latérales ou avant-arrière, elles libèrent dans notre approche en art martial sensoriel des élans de vie. Et ça a libéré un élan relationnel vraiment d'amour entre eux. Ils en ont témoigné après. Ils m'ont écrit pendant 4 ans après. Il y a vraiment eu un accordage de toute la famille. Et ils ont travaillé les uns avec les autres, les grands-parents ensemble, avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants. Enfin, c'était assez magnifique, quoi. Mmh. Très touchant et magnifique. Ouais. Alors, vous parlez de lenteur, de mouvement interne, de revenir vers soi. Mais ça semble tellement peu correspondre à notre époque qui va à 100 à l'heure, avec des corps qu'il faut contraindre, qu'il faut faire correspondre à des standards de beauté ou à des injonctions sociales ou tout simplement à la monotonie du métro-boulot-dodo. De quelle manière vous voyez votre travail dans cette société qui est un peu une fuite en avant ? Comme une urgence. Pour moi, la non-violence, c'est ça aussi. C'est comment respecter les lois du vivant dans notre corps, dans notre physiologie. La physiologie, c'est quand ce n'est pas pathologique, vous voyez. La physiologie, c'est toutes les capacités qu'a notre organisme de s'auto-réguler. Et notre physiologie est vouée à l'équilibre, à un bien-être. Il faut vraiment une saturation pour couper les fonctions physiologiques. Mais malheureusement, par exemple, la grande fatigue, les burn-out qu'il y a chez les jeunes gens, à tous les âges. Je lisais un travail de Madame Claire Mounier, qui travaille au CHU de Lille en cardiologie, qui s'est très engagée pour la santé du cœur des femmes. Et elle différencie, je trouve ça très pertinent, le burn-out, qui est vraiment une saturation, on épuise quelque part nos grands systèmes, du bore-out, c'est-à-dire l'ennui. Il y a un épuisement chez beaucoup de gens liés à l'ennui. Ils s'ennuient dans leur vie, ils s'ennuient dans leur travail ou dans leur vie familiale ou entre eux et eux. Mmh. La perte de sens. Mmh. Ouais. Donc, Ça, pour moi, c'est de la violence, par exemple. Comment, en soignant les gens, en les éduquant. Donc, éduquer, c'est pas formater pour moi. Mmh. Oui, justement, je voulais vous poser la question. Quand vous dites éduquer à la paix, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas fait pour la paix, ou est-ce qu'au contraire, on a été défait? Les gens sont... Il y a un éloignement. Mais c'est intéressant de repérer ce qui nous rapproche de notre vivant. Quand on rééquilibre le corps dans sa physiologie, on se sent en paix, naturellement. Voilà. Après, ça nécessite de le prolonger dans une éducation pour que ça se prolonge dans la vie de tous les jours, parce qu'on a tous des habitudes. Et les conflits sont fréquents. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sources de conflits. C'est pour ça que moi, j'ai déployé, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il était nécessaire d'aborder la gestion des conflits. Parce que je l'ai vécu déjà pour moi. Dans ma jeunesse, j'ai été en difficulté entre moi et moi avec mes émotions qui me submergeaient intensément. Je ne savais pas quoi faire. Et c'est comme ça que je suis venue à apprivoiser, à les repérer, à les gérer et à m'auto-traiter, par exemple. Je me suis beaucoup auto-traitée dès le début de mon apprentissage avec M. Danibois. Et j'apprends à mes étudiants aussi à s'auto-traiter parce que ça m'a tellement libérée, régulée, etc. Et j'arrivais à pacifier mes émotions et à me laisser enseigner par elles aussi. Je me suis rendu compte que nos émotions nous donnent une information que notre pensée ne nous donne pas. C'est très complémentaire, c'est comme des forces différentes qui vont se potentialiser plutôt que de s'opposer, justement. Et alors ça, comment vous procédez dans votre pratique? Est-ce que c'est seulement par le corps? Est-ce que vous travaillez sur l'émotionnel par la parole aussi? Et une autre question qui me vient, c'est comment... parce que évidemment qu'on peut être soit trop émotionnel et donc presque trop actif finalement, ou en tout cas dans la réaction, comme on disait tout à l'heure. Mais il y a aussi, et ça, ça revient peut-être à subir, il y a aussi des personnes qui sont très passives et qui s'enferment dans un côté, parfois, je veux juste avoir la paix. Mais ce n'est pas une véritable paix, en fait. Il perpétue finalement une violence. Comment on peut trouver ce courage-là, ou comment vous pouvez le déclencher, peut-être, je ne sais pas si... Dans le stress, comme dans l'émotion, il y a ce qu'on appelle des tendances exacerbées ou retenues. Voilà. Et on peut être mixte. Quelqu'un qui a une émotion exacerbée, c'est sonore, mais elle va se déstructurer. Quelqu'un de retenu va être plus posé, mais va enfouir. Il y a trop de structure. Et là, il y a plein d'adhérences. Ça devient un peu inerte. Déjà, on repère ça, nous, pour accompagner. Et on apprend aux gens à le repérer. Dans eux, selon les moments, selon les secteurs et dans leur famille. Déjà, ça... Ça devient une perception et une connaissance de soi et de l'autre différente pour ne pas subir ces moments-là de conflit. Par exemple, quand il y a quelque chose de viscéral, émotionnel, ça peut mettre en lésion le système hormonal, le système neurovégétatif qui va réguler le cœur, les poumons, la digestion, voyez, et mettre en lésion au-delà du problème conflictuel entre deux personnes. Ça va avoir un impact au niveau du corps. Donc nous, on part de la libération du corps, petit 1. Une fois que c'est un minimum apaisé, libéré, en plusieurs étapes, on peut faire un travail gestuel parce que ça permet à la personne de gagner en autonomie et de se mettre en action. Parce que la gestuelle va respecter les lois du vivant dans la physiologie du mouvement. On fait des choses très lentes, très simples, assis sur une chaise, en ressentant les starters du corps, en plongeant dans sa profondeur, dans des axes. Puis, il y a l'entretien verbal. Donc, il a déployé ça aussi, M. Danibois. L'entretien verbal à directivité informative. C'est une directivité qui pose des questions quand la personne tourne en rond, par exemple. Et qui part du principe que la problématique de la personne vient d'une information manquante. Alors le praticien va être à la fois perceptif et observateur et créer les conditions pour que la personne se rende compte par elle-même. Et hop, ça déclenche en fin de compte des informations à l'intérieur d'elle, un processus de réflexion aussi où elle a des nouvelles pistes pour cheminer. Par exemple, dans un de mes stages, j'avais un couple, deux parents qui sont formés à l'art martial sensoriel. Et ils m'ont demandé tous les deux si leur fils, qui avait 10 ans à l'époque, pouvait venir. Je fais aussi de l'accompagnement de la vie intra-utérine. Donc, c'est un petit que je connaissais depuis sa vie intra-utérine. Les deux parents m'ont demandé si le petit garçon pouvait venir parce qu'ils étaient en cours de séparation. Et ils le vivaient très mal. Et donc, j'ai fait un entretien de présentation déjà de la difficulté. J'ai laissé la parole à l'enfant. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui fait que tu es si en colère, que tu n'es pas bien? À l'école aussi, il était turbulent, même violent. Il me raconte des choses sur la disponibilité des parents, etc. Qu'il y a des choses toutes bêtes qui l'agacent. Et donc, il était en colère contre sa mère. Et il lui a dit, en la regardant, il était en colère contre son père, qui était là aussi, il lui a dit en le regardant. Et puis, la nouvelle compagne de son père. Et à un moment donné, me vient de lui poser une question à ce petit garçon en disant « On se connaît depuis longtemps, puisque je t'ai accompagné quand tu étais dans le ventre de ta maman. Et puis après, on s'est souvent vus. Est-ce que tu as déjà ressenti de la colère avec moi ?» Il me regarde en faisant « Ben non, toi, tu fais du calme. » Et là, ça a créé un silence dans lui, dans la relation avec ses parents, parce qu'en fin de compte, il avait besoin de calme. Et les parents ont vite compris que, en fin de compte, s'ils sont agités, stressés, etc., ça va avoir des répercussions sur leur enfant qui est très sensible. Voilà. Et donc, après, on a fait une pratique, on appelle ça le co-cue sensoriel, où il y en a un qui accompagne l'autre au sol, c'est très ludique, sans rapport de force ni de pouvoir, ce qu'on appelle la relation sans prédominance, pour réaccorder la relation. On repart, en fin de compte, de la communication première de l'être humain, qui est d'abord une communication corporelle, de tonus à tonus, mais c'est un tonus de ce qui nous constitue, on appelle ça la matière qui nous constitue. Je recrée les conditions pour que ça se refasse, ce dialogue, à partir de ce lieu où il n'y a pas d'empreinte de toutes ces problématiques de colère. Et alors, comment ça s'est résolu? Et ça chemine énormément. Ben, ça s'est beaucoup pacifié, apaisé et calmé. Après, il y a eu des entretiens entre la maman, la nouvelle compagne du papa, et que j'ai accompagnée aussi en entretien verbal à leur demande, sans enfant. Il y a eu des entretiens entre le papa et la maman pour qu'ils repèrent, en fin de compte, ce qui déclenche le processus d'agitation, de stress, qui n'était pas conscient chez eux. Voilà. Et du coup, ça s'est calmé. Alors, donc, vous dites que vous avez travaillé sur la période périnatale et avec donc des bébés dans le ventre de leur maman. Qu'est-ce qui vous a poussé à ça et quels sont les bénéfices? J'ai été prof de yoga et dans mes cours de yoga, j'avais déjà beaucoup de femmes enceintes. Donc, j'ai adapté le yoga pour les femmes enceintes. Et quand j'ai commencé la gymnastique sensorielle, il s'est passé la même chose. En fin de compte, j'ai répondu à une demande. Quand elle venait, par exemple, en thérapie manuelle, en fasciathérapie, j'ai appris beaucoup des bébés. Je me suis laissée guider par eux pour libérer aussi l'espace du bébé. Quand une femme a mal au dos, elle est tendue et du coup, l'espace du bébé se restreint par la tension. J'ai beaucoup appris des bébés. Je me laissais guider par leurs mouvements comme une danse. C'est super agréable à faire. Mais il y a aussi des bébés qui sont en difficulté. Donc, j'ai aussi appris des bébés en difficulté. Voilà. Et donc, du coup, les femmes enceintes, elles me parlaient de leurs angoisses, de leurs peurs par rapport à l'accouchement. Et j'ai fait tout un travail de préparation à la naissance en gymnastique sensorielle périnatale. On accompagne la maman à une préparation à l'effort de l'accouchement. Et le papa va accompagner et va être enveloppant ou être en point d'appui. Et la maman, comme ça, est beaucoup plus libre, disponible, et elle se sent sécurisée pour accompagner son bébé. Car dans la physiologie, l'enfant, quand il est prêt, donne l'information hormonale à sa maman, c'est le moment, et l'enfant est actif dans la physiologie quand tout va bien. Donc la maman accompagne l'enfant qui naît avec des poussées glissées, des rassemblements au moment des contractions, des moments de glissée au moment entre les contractions. Et quand il y a des césariennes, il y en a de plus en plus. Donc j'ai beaucoup accompagné de femmes qui ont vécu des césariennes avec des fois beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés. Dans le corps, ça se sent très fort, il y a une interruption du mouvement et de la physiologie de l'accouchement. Ça coupe le processus physiologique naturel. Mais quand on écoute la mémoire des tissus, je peux capter ce mouvement arrêté. Et du coup, je recrée une libération de ce mouvement-là. J'ai appris aux sages-femmes aussi à le faire. Comment on libère le mouvement de l'accouchement de la maman. Et on libère bien sûr la cicatrice, les différents tissus qui ont été coupés pour recréer une unité, parce que c'est une zone de rupture. Et chez le bébé, pareil, on fait la même chose, que son mouvement de naissance est stoppé. Mmh. Il est extrait. Et donc, il n'a pas à cheminer de manière spiralée dans le corps élastique de sa maman, qui lui donne en même temps des contours, une puissance de douceur dans la propulsion. Et donc cette chose-là, elle est à libérer, à réinstaller aussi dans le corps du bébé, dans ce dialogue tonique. Et comment vous faites avec le bébé pour le faire revivre cet accouchement? J'écoute, pareil, son corps, ses tissus, son mouvement interne. Et là, souvent, moi, je suis en mouvement avec lui et j'amplifie son mouvement dans mon propre corps jusqu'au moment où je sens l'impulsion de cette spirale descendante. Et dans ces cas-là, je l'accompagne avec tout mon corps, mes mains, mais aussi tout mon corps. On part de mouvements simples, d'enroulement, déroulement, qui sont les mouvements premiers, même dans la vie intra-utérine, qui sont décrits. C'est vraiment les mouvements coordonnés de base de tout l'être humain. Et c'est comme ça qu'on soigne, donc on régule le mouvement. Et alors, du coup, vous pouvez accompagner quand il y a eu des accouchements traumatiques ou, par exemple, les bébés qui naissent avec le cordon autour du cou. Oui. Il y a quelque chose qui reste dans la mémoire du corps qu'il faudrait en fait peut-être libérer. Tout à fait. Il y a même des torticolis des fois, ou une trace en effet, ou des fois même des angoisses parce que les tissus restent stressés quelque part si ce n'est pas libéré. Et même la manière dont on accompagne la sortie du bébé va être dans la physiologie des lois du mouvement ou pas. Et ça, c'est en empreinte dans la mémoire. Et donc, je libère, les gens qui sont formés à ça, libèrent ce processus-là qui est très, très régulateur sur le plan, bien sûr, de la physiologie corporelle, mais aussi par rapport à la vie émotionnelle de l'enfant, à son équilibre en général. Il y a des enfants qui dorment pas bien, il y en a qui sont dans des grandes colères, ou dans la relation maman-bébé, c'est pas toujours fluide. Voilà, on accorde tous ces éléments-là. Alors, il y a une chose aussi dont je voulais parler, parce que vous avez quand même une relation très forte à la danse. Vous avez développé la danse intime, vous appelez la ça danse la danse de l'intime. La danse de l'intime. Quelle est la place de la danse pour vous et qu'est-ce que c'est la danse de l'intime? Et est-ce qu'il y a aussi quand même ce plaisir d'expression dedans qu'on peut avoir parfois quand on danse à une fête ou, voilà. La danse, pour moi, c'est un rêve d'enfant déjà, qui n'a pas abouti pour des raisons diverses et variées d'une remarque de mon professeur, que j'avais pas le corps, le physique d'une danseuse classique. Ce qui n'est pas faux, mais il aurait pu m'orienter. Mais ça m'a vraiment blessée parce que j'adorais ça. Et donc, j'ai laissé tomber la danse, mais j'avais 11 ans. J'ai réessayé après et ça m'ennuyait, mais vraiment, les cours m'ennuyaient. Mais quand je dansais, par exemple, dans des fêtes, etc., moi, je me reliais toujours à ma profondeur. Et il y a une dizaine d'années, j'ai repris la danse. Parce que moi, dans la gymnastique sensorielle, il y a beaucoup de mouvements libres. On fait d'abord du codifié pour ne pas être dans une liberté illusoire qui tourne autour de nos axes de fixité, mais pour libérer des zones qu'on ne libérerait pas si on dansait de manière spontanée. Et du coup, j'ai commencé à reprendre la danse par la danse indienne contemporaine et le flamenco. J'aime beaucoup. Et la danse de l'intime, c'est venu suite à une prise de conscience dans une période où j'ai traversé des choses qui me touchaient profondément. En fin de compte, j'ai fait beaucoup de cours de danse et je me suis auto-libérée en dansant. Et je pleurais tout le temps. Je pleurais tout le temps dans les cours. Mais c'était très libérateur et puis ça a vraiment pacifié quelque chose dans moi. Et donc, à un moment donné, j'ai eu l'élan de le proposer aussi à d'autres, et pas en formation professionnelle, mais en accompagnement de groupe ou individuel aussi, ça peut arriver. Généralement, c'est des petits groupes de travail assez intimes. Et ça vient de tout le travail d'expressivité du sensible de Monsieur Danny Bois que j'ai prolongé avec cette lecture de l'émotion et cet accordage de la vie émotionnelle par le corps. Pas seulement aller dans une expressivité, mais aussi prendre soin de ses émotions, les accueillir, parce que c'est tellement précieux. Vraiment, je fais souvent un plaidoyer pour la vie émotionnelle de l'être humain qui, de mon point de vue, n'est pas suffisamment considérée depuis l'enfance. Ouais. Oui, mais c'est vrai qu'on a été très peu accompagnés sur ce plan-là. C'est ça, c'est ça. C'est toute une éducation, une fois de plus. Éducation, c'est apprendre, simplement, et donner le goût d'apprendre par le jeu. C'est connu scientifiquement que les enfants apprennent le mieux par le jeu, mais j'émettrais l'hypothèse que les adultes aussi. C'est ce que je constate en tous les cas. Et j'aime beaucoup ce terme d'intime parce que pour moi, ça rejoint aussi ce que vous dites sur la profondeur, dans le sens où on est dans une société où l'intimité n'existe plus beaucoup. Et quelque part, c'est une perte aussi de liberté d'être soi. L'intimité, c'est là où on est le plus nous-mêmes et c'est ce qu'il y a le plus sacré, peut-être. Et l'intime, je suis spécialisée en urogynécologie aussi, dans mon axe de fasciathérapeute. Et donc, je me suis beaucoup occupée de libérer, d'accorder un starter de l'intime quand même au niveau d'un petit bassin, de l'homme, de la femme, et de la relation d'intimité dans les couples. Dans l'intimité, il y a toute la capacité de créativité, par exemple. C'est pas seulement la conception d'un nouvel être humain, mais aussi c'est la conception de quelque chose de nouveau dans l'intime, autant dans notre petit bassin que dans notre profondeur. Et la non-violence, c'est peut-être aussi plonger dans sa profondeur, dans des ressources que l'on a tous et qui sont à découvrir. Et c'est un vrai challenge de curiosité. Merci beaucoup, Martine de Nardi. Merci à vous. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, vous pouvez soutenir mon travail en le partageant et en parlant autour de vous. Et vous pouvez aussi me faire des dons, ponctuels ou réguliers, en cliquant sur l'onglet « Soutenir » du site force-nonviolence.fr. Je nous souhaite d'utiliser nos peurs, nos colères et nos révoltes comme un moteur pour agir et transformer ce monde. Aïmsa.